train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got her son involved. I mentioned the past like a running joke and told her without all the rain, there's no sun in growth. Close, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing, where the wooden spoon is only cuffing. Short of the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, remedying lust. Don't hold any memories of us, rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only call the train, cause you know I hate the bus. Never get enough. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face, some relate. Leave everything in yesterday. They ask about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see that mine was changing with the seasons, shaded for a reason. They would start decreasing, leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mum, saying to her, look, mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter. Ones that I brought up never strong, never telling me to run, never trying to find a son, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mum. One. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face, some relate. Leave everything in yesterday. C'est l'heure de groover avec un classique de Tom Tom Club. Le classique en question, c'est Genius of Love. Tom Tom Club, c'est le side project de deux membres de Talking Heads. Ils rencontrent un succès fou en 1981 avec leur premier album, notamment grâce à ce morceau qui a été ensuite beaucoup repris. On pense notamment à Mariah Carey, ça c'est pour le gros tube, mais le morceau a aussi été samplé par Ziggy Marley ou encore Grandmaster Flash. Genius of Love des Tom Tom Club, c'est dans une petite minute. 4,29€ la galette. Vous me prenez vraiment pour le roi? Des imbéciles. Et pourtant, c'est vrai. Jusqu'au 6 janvier, la galette frangipane ou aux pommes 6-8 parts est à seulement 4,29€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 600 grammes, soit 7,15€ le kilo, transformé en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Showroomprivé.com présente... Gaspard, je suis ton père. Ça, c'est la réplique de Dark Vador. Et ça, c'est Chewbacca. Et si vous emmeniez plutôt vos enfants à Disneyland Paris pour rencontrer Dark Vador, Chewbacca et toutes les légendes de la Force? De nombreux spectacles et attractions attendent vos petits Ewoks pour revivre les histoires les plus emblématiques de la galaxie. En ce moment, les séjours sont à moins 35% sur Showroom Privé. Et pour les moins de 12 ans, c'est offert. Showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les photos de Cyril qui changent. Avec le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€. Waouh, double capteur photo. Et avec cet effet flou intégré, on ne pourra plus jamais dire que tes photos sont ratées. Jusqu'à samedi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€. Et vos photos changent. Auchan. Don et coparticipation 2 centimes, kit main libre recommandé, DAS 0,75 watts par kilo. Bonjour, je suis passé devant votre concession et j'ai une petite question concernant la nouvelle Skoda Fabia. Vous me confirmez qu'elle a l'ouverture, fermeture et démarrage sans clé? Oui. Caméra de recul? Oui. Feu de jour à LED? Oui. Radar de stationnement arrière? Aussi. Freinage automatique d'urgence? En ce moment, la Skoda Fabia Edition est à partir de 59€ par mois sans apport, sous réserve d'éligibilité à la prime à la conversion de 4000€. Conditions sur www.service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 31 mars. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.

mexe a memória que não se perdeu. Não adianta, não adianta. Se a imagem for viva, ela mora no hoje, na hora que acontecer. Agita a lua bonita, cativa nós dois. A onda do mar leva as dores e volta com flores pra o que dá depois. A onda do mar leva as dores e volta com flores pra o que dá depois. Vem na lembrança, vem na lembrança. Feito onda que conta uma história, remexe a memória que não se perdeu. Marie-Missel vous apprend à danser avec ses tutos danse. Aujourd'hui, ses cours de boutithérapie. Nova. Oh. Danse la vie, danse, oui. Comme si tu devais mourir demain. Aujourd'hui, cours de boutithérapie avec Peggy. Alors la boutithérapie, c'est la thérapie par les fesses. Je pense que le plus simple, c'est que vous alliez vous mettre les mains sur un meuble, un dossier de chaise, une table, ce que vous trouvez sous la main. Vous vous appuyez, vous vous penchez, vous cambrez, vous regardez bien devant vous, vous écartez les jambes, vous pliez les genoux, et puis là, vous piétinez. Donc si vos fesses sont bien relâchées, normalement, ça doit bouger. Vous piétinez, vous piétinez, vous piétinez. De plus en plus fort, de plus en plus rapidement. Et vous n'hésitez pas. Alors évidemment, quand on fait de la boutithérapie, on a toujours un petit peu envie de crier, parce que c'est ça qui nous libère. Et plus on bouge les fesses, plus on shake. Et plus on crie, et plus on crie, et plus on shake. Et c'est... voilà. La meilleure façon d'y arriver, c'est de penser à quelque chose. Soit un projet que vous avez qui vous tient très à cœur, soit au contraire quelque chose dont vous voulez vous débarrasser dans votre vie, qui vous empoisonne la vie, qui vous contrarie. Et puis là, vous y pensez très fort, vous le visualisez et vous le balancez avec vos fesses. Et là, c'est parti. Vous ne forcez pas la technique. On n'en a rien à faire. On y va, on y va, on y va. On shake, on shake, on shake. Et puis on prend le premier mouvement. On piétine, on piétine, on piétine et hop. Et on atteint son objectif. Nova. It's always